Également dans le cycle consacré au théâtre de Jean Cocteau, veuillez écouter maintenant Antigone, d'après Sophocle, musique d'Arthur Honegger, avec Éléonore Hirt, Antigone, Nathalie Nerval, Ismène, Ginette Franck, Eurydice, François Vibert de la Comédie Française, Créon, Jean Negroni, Aimon, Jean Dide, Tirésias, Guy Pierrot, Le Garde, Edmond Beauchamp, Le Messager, avec Michel Bouquet, Le Cœur, récitant Bernard Bimont. Au seuil du palais de Créon, à Thèbes, Antigone et Ismène sont face à face, immobiles. Ismène, ma sœur, connais-tu un seul fléau de l'héritage d'Édipe que Jupiter nous épargne? Eh bien, je t'en annonce un autre. Devine la honte que nos ennemis préparent contre nous. Je ne devinerai pas. Depuis que nos deux frères se sont entretués, depuis que la troupe des Argiens a disparu, je ne vois rien qui puisse me rendre plus malheureuse ou plus heureuse. Écoute, je t'ai fait sortir du vestibule pour que personne au monde ne nous entende. Qu'y a-t-il? Tes yeux me bouleversent. Tu me demandes qu'y a-t-il? Et Créon ne donne-t-il pas la sépulture à l'un de nos frères et ne la refuse-t-il pas à l'autre? Et Théocle aura l'enterrement qu'il mérite. Mais il est défendu d'ensevelir Polynice ou de le pleurer. On le laisse au corbeau. Tels sont les ordres que le noble Créon promulgue pour toi et pour moi. Oui, pour moi. Il va venir en personne, ici même, lire son décret. Il attache la plus grande importance à l'exécution de ses ordres. Les enfreindre, c'est être lapidé par le peuple. Voilà. J'espère que tu vas montrer ta race. Mais que puis-je? Décide si tu m'aides. À quoi? À soulever le mort. Tu veux l'enterrer malgré le roi? Oui. J'enterrerai mon frère et le tien. Je dis le tien. On ne me reprochera pas de l'avoir laissé aux bêtes. Malheureuse, malgré la défense de Créon. As-tu donc le droit de me détacher des miens? Antigone! Antigone, notre pauvre père est mort dans la boue après s'être crevé les yeux pour expier ses crimes. Notre mère, qui était sa mère, s'est pendue. Nos frères se sont entr'égorgés. Imagine-nous de toutes seules la fin sinistre qui nous attend si nous bravons nos maîtres. Nous sommes des femmes, Antigone, des femmes malhabiles à vaincre des hommes. Ceux qui commandent sont plus forts que nous. Que Polynice m'excuse. Mais je cède. J'obéirai au pouvoir. Il est fou d'entreprendre des choses au-dessus de ses forces. Je ne te pousse pas. Si tu m'aidais, tu m'aiderais à contre-cœur. Agis comme bon te semble. Pour moi, j'enterrerai. Il me sera beau de mourir ensuite. Deux amis reposeront côte à côte après ce cher crime. Car Ismène, le temps où je dois plaire aux morts est plus considérable que celui où il me faut plaire aux vivants. Ta conduite te regarde. Méprise les dieux. Je ne les méprise pas. Je me sens incapable de lutter contre toute une ville. Trouve des prétextes. Moi, je vais entasser une espèce de tombeau. Folle, je tremble pour toi. Laisse-moi tranquille. Pense à toi-même. Au moins, ne raconte ce projet à personne. Cache-le comme je le cacherai. Ne cache rien, tu peux parler. Je t'en voudrais plus de ton silence que de tes bavardages. Refroidis ce cœur trop chaud. Non, je sais que je plais où je dois plaire. Oui, si tout marche bien. Mais tu essayes l'impossible. Je m'arrêterai à la limite de mes forces. Pourquoi courir après le vent? Si tu insistes, tu me deviendras odieuse. Et tu exciteras la haine du mort. Laisse-moi seule avec mon projet. S'il échoue, je mourrai glorieusement. Eh bien, va donc, imprudente. Ton cœur te perd. Antigone, restée seule, prend son élan comme pour toute la journée, disparaît à son tour, tandis que le cœur annonce... Les Argiens ont fui à toutes jambes sous ton œil fou, soleil. Ils étaient venus aux trousses de Polynice et de ses vagues prétentions. Jupiter déteste l'avantardise. Il a frappé de sa foudre les panaches et les armures d'orgueil. Les sept chefs qui marchaient contre nos sept portes ont abandonné leurs armes. Il n'est resté sur place que deux frères ennemis. Maintenant, la victoire est assise dans Thèbes. Le peuple chante. Mais voici Créon, notre nouveau roi. Citoyens, les dieux ont sauvé cette ville du naufrage. Je vous ai tous réunis, sachant votre respect pour la maison de Laïus, votre fidélité à Édipe et à ses fils. Les fils se sont entretués. Tout le pouvoir passe entre mes mains. Avant qu'un homme se prouve, il est difficile de le connaître. Pour moi, je blâme celui qui gouverne sans consulter autour de lui. Je blâme encore le chef qui sacrifierait la masse aux intérêts d'un seul individu. Jamais je ne flatterai mon adversaire. Un prince juste ne manque pas d'amitié. Tels sont mes principes. C'est pourquoi j'ai dicté le décret relatif au fils d'Édipe. Étéocle est un soldat, qu'on lui rende les honneurs. Polynice est revenu d'exil pour nous incendier, nous bafouer, nous réduire en esclavage. Je défends qu'on l'honore. J'ordonne que son cadavre appartienne aux chiens et aux corbeaux. Jamais je ne confondrai la vertu et le crime. J'ai dit. Bravo, Créon. Tu es libre, tu disposes des morts et de nous. Exécutez mon ordre. Charge-en les jeunes. Des gardes surveillent le cadavre. Alors, que devons-nous faire? Vous devez être inflexible envers la désobéissance aux lois. Il n'y a pas d'homme assez fou pour chercher la mort. La mort serait sa paye. Mais souvent l'espoir d'une bourse rend les hommes fous. Prince! Prince, je ne peux pas dire que je vole vers toi. Ça non, non, je me suis souvent arrêté en route. Je pensais, n'y va pas, n'y va pas! Mais d'autre part, si Créon se renseigne ailleurs, tu risques davantage. La route est courte, mais la route était longue. Bref, voilà. Bref, je n'ai rien de bon à t'apprendre. Qu'est-ce qui te met la tête à l'envers? Mais je dirais d'abord ce qui me concerne. C'est pas moi, c'est pas ma faute, et je sais pas qui c'est. Vous seriez injuste de me punir. Tu me barricades l'affaire tout autour. Tu m'as l'air de dépacter lentement une mauvaise nouvelle. Le danger coupe bras et jambes. Parle. Après, tu partiras. Alors je parle. On a rendu les honneurs aux morts. Hein? Qui donc a eu l'audace? Ni vu ni connu. On ne découvre pas de coup de bêche, pas de coup de pioche, pas d'empreinte de pied, pas de trace de char. Rien ne dénonce le criminel. Au petit matin, le corps avait disparu sous une couche de poussière. Juste de quoi éviter le sacrilège. Naturellement, chacun s'accuse, s'excite, et nous allions nous battre. Tout le poste était suspect, et il n'y avait de preuves contre personne. Nous jurions de marcher sans crainte sur les braises, et de prendre un fer rouge à pleine main, ce qui montre les coupables et les complices. À la fin, on décida de tout te dire. On a tiré au sort, et c'est moi qui trinque. Prince. Je me demande si ce n'est pas une machine des dieux. C'est de sottises, vieillesse. Les dieux n'énument pas les incendiaires de temples, les destructeurs du culte, les pilleurs d'offrandes. Avez-vous jamais vu les dieux flatter le mal? Non, mille fois non. Mais cet acte m'ouvre les yeux. Je savais déjà que des traîtres murmurent contre mon joug dans cette ville, qu'on se soulève en cachette. Ils payent les coupables. Les mortels ont inventé l'argent. L'argent, l'argent ignoble. L'argent ruine les villes, fausse les cœurs droits, démoralise tout. Ceux qui, corrompus par une bourse, ont inhumé Polynice, ont péché leur propre tombe. Si vous ne me les amenez pas, je vous pendrai pour qu'on me les dénonce. Mais en tout cas, je ne suis pas coupable. Je ne m'étonnerai pas, mon gaillard. Tu es homme à te vendre, et pas cher. Il est triste qu'un prince juste puisse voir si faux. Il me juge, ma parole. Et puisse-t-on découvrir les coupables? Moi, je me sauve, et vivement. L'homme est inouï. L'homme navigue, l'homme laboure, l'homme chasse, l'homme pêche. Il dompte les chevaux, il pense, il parle, il invente des codes, il se chauffe et il couvre sa maison. Il échappe aux maladies. La mort est la seule maladie qu'il ne guérisse pas. Il fait le bien et le mal. Il est un brave homme s'il écoute les lois du ciel et de la terre, mais il cesse de l'être s'il ne les écoute plus. Que jamais un criminel ne soit mon hôte. Dieu, quel prodige étrange. C'est incroyable, mais c'est vrai. N'est-ce pas Antigone qu'amène ce garde? Antigone, Antigone, aurais-tu désobéi? Aurais-tu été assez folle pour te perdre? Prise sur le fait! Où est Créon? Le voici qui sort! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Prince! La chance me ramène où je n'aurais pas cru remettre les pieds. Interroge cette jeune fille. Elle est coupable. Où et comment l'avez-vous prise? Elle inhumait le corps. Je l'ai prise la main dans le sac. Tu le jures? Ah, oui, je le jure. Elle a enterré l'homme. Donne-moi des détails. Et sous la crainte de tes menaces, nous avons ôté le sable sur la charogne et nous l'avons laissée toute nue par terre. Ensuite, nous nous sommes assis en haut d'un monticule éventé à cause de l'odeur. Puis nous avons fait des farces pour que personne ne s'endorme. Tout à coup, à midi, s'élève une tourmente de poussière qui casse les branches d'arbres et nous crève les yeux. Après ce coup de vent, nous voyons la jeune personne debout près du cadavre. Elle piaillait de toutes ses forces. Elle le recouvre de poussière, tire un vase dessous de sa robe et commence des libations. Hop! On lui saute dessus. On l'arrête, on a un tour de main. On l'interroge et elle avoue sans la moindre résistance. Je regrette d'échanger ma vie contre une autre, mais les coupables sont les coupables. Et dame, n'est-ce pas, il est naturel que je sauve d'abord ma peau. Et toi? Toi, avec tes yeux modestes, tu nies? Tu avoues? Je l'ai fait. Je le déclare. Allez, toi, file. Va te faire pendre ailleurs. Tu es libre. Antigone, tu connaissais ma défense. Oui, elle était publique. Et tu as eu l'audace de passer outre? Jupiter n'avait pas promulgué cette défense. La justice non plus n'impose pas des lois de ce genre. Et je ne croyais pas que ton décret pût faire prévaloir le caprice d'un homme sur la règle des immortels, sur ces lois qui ne sont pas écrites et que rien n'efface. Elles n'existent ni d'aujourd'hui, ni d'hier, elles sont de toujours. Personne ne sait d'où elles datent. Devais-je donc par crainte de la pensée d'un homme désobéir à mes dieux? Je savais la mort au bout de mon acte. Je mourrai jeune, tant mieux. Le malheur était de laisser mon frère sans tombe, le reste m'est égal. Maintenant, si tu me traites de folle, tu pourrais bien être fou. À ce naturel inflexible, on reconnaît la fille d'Édipe. Elle tient tête au malheur. Mais sache que ces hommes si durs sont les moins solides. C'est le fer le plus dur qui éclate. Un petit mort calme un cheval qui fait des siennes. Voilà beaucoup d'orgueil pour une esclave. Une esclave du devoir. Elle m'outrage exprès. Elle me nargue et il s'en vante. C'est elle qui serait l'homme si je la laissais faire. Quoi que je sois frère de Jocaste, ni elle ni sa sœur n'éviteront leur sort. Car Ismène doit être complice, je suppose. On me la cherche. Je l'ai aperçue tout à l'heure dans le palais, affolée comme une chauve-souris. Les hommes nocturnes se trahissent vite. Mais là, ce que je déteste surtout, c'est le criminel qui prie sur le fait se mêle d'embellir son crime. Exiges-tu quelque chose de plus que ma mort? Non. Alors pourquoi traîner? Tu me déplais et je te déplais. Toute cette foule m'applaudirait sans la crainte qui paralyse la langue. À mille autres privilèges, le despotisme ajoute celui de dire et d'entendre ce qu'il veut. Tu es la seule à Thèbes qui pense mal. Alors ils pensent tous mal, mais ils se taisent en ta présence. N'as-tu pas honte? Honte d'en aurait un frère. Et ton frère, Étéocle, n'était-il pas aussi ton frère? Étéocle, mort chez nous. Nous étions de même père et mère. Pourquoi n'en insulter par des hommages antipatriotiques? Ce n'est pas ainsi que le mort dépose à mon procès. Quoi? Si tu sers le traître? Il est mort non pas son ennemi, mais son frère. Il venait attaquer sa patrie, l'autre la défendait. La mort veut une seule loi pour tous. Mais l'envahi et l'envahisseur ne doivent pas être traités également? Qui sait si vos frontières ont un sens chez les morts? Jamais un ennemi mort ne devient un ami. Je suis né pour partager l'amour et non la haine. Descendons chez les morts, aimés qui bon te semble. Mais moi, de mon vivant, jamais une femme ne fera la loi. Voici la pauvre Ismène en larmes. Le chagrin la défigure et mouille ses joues. Ah! Te voilà, vipère. Allons, parle. Connaissais-tu ou ne connaissais-tu pas la lèse majesté? Si ma sœur avoue, j'avoue et je demande à en supporter les conséquences. Le tribunal te le défend! Tu n'as pas voulu me suivre et j'ai agi seule. Tu es malheureuse, je veux te suivre. Trop tard, Ismène, trop tard. Les enfers et ceux qui les habitent m'ont vu agir, moi. Peu m'importe une sœur qui m'aime en parole. Antigone, ne m'enlève pas l'honneur de mourir avec toi, d'avoir enterré notre frère. Ne meurs pas avec moi et ne te vante pas, ma petite. C'est assez que moi je meure. Sans toi, comment pourrais-je aimer vivre? Demande-le à Créon. N'es-tu pas son jouet obéissant? Pourquoi me blesses-tu à plaisir? Je ris un rire contre toi qui n'est pas drôle. Je ne raille pas sans me faire du mal. Comment te servir? Sauve tes jours, je ne t'envie pas cette chance. Laisse-moi partager ton destin. Tu as choisi de vivre, moi d'être morte. Je t'avais donné assez de conseils. Tes conseils étaient bons, j'ai trouvé mon projet meilleur. Ta faute est notre faute. Rassure-toi, tu vivras. Il y a longtemps que mon cœur est mort. Il ne peut servir que les morts. Ces deux filles sont complètement folles. Nous avons eu de quoi perdre la raison. C'est ce qui t'arrive quand tu essayes de partager de force la peine des criminels. Sans Antigone, comment voulez-vous que je vive? N'en parle plus, elle est morte. Tu vas tuer la fiancée de ton fils? Il tombera à l'autre ventre. C'est le seul mariage qu'il veuille. Je n'accepte pas une méchante brute. Oh, chérimon, comme ton père te traite. Ah, vous commencez à m'ennuyer, toi et tes noces. Pourras-tu priver ton fils de celle qu'il aime? C'est la mort qui rompra le mariage. Sa mort est donc certaine. Certaine. Mais assez de temps perdu. Là, arrêtez ces femmes. Les plus braves se sauvent quand la mort vient. Emmenez-les. Heureux les innocents. La fatalité s'est mise sur cette famille. Dans la maison des Labdacides, je vois des malheurs neufs qui s'entassent sur les vieux. Un dieu leur donne la chasse sans relâche. Jupiter, tu ne dors jamais. Éternellement jeune, tu habites l'Olympe. Mais la race des hommes ne peut jouir d'une paix sans mélange. Elle n'évite aucun désastre. Car si un dieu nous conduit à notre perte, il change de place le bien et le mal. Mais voici Aymon. Vient-il se plaindre? Mon fils, tu connais le crime et la sentence. Viens-tu vers nous en rebelle ou te sommes-nous toujours aussi chers? Je m'incline. Il n'est pas de mariage qui tienne en face de tes sages conseils. Bien dit. Un fils doit obéir. À quoi servent les fils? À aimer nos amis et à faire à nos ennemis tout le mal qu'ils méritent. On gèle dans les bras d'une épouse indigne. Laisse donc cette jeune personne épouser quelqu'un aux enfers. Elle parle de loi de Jupiter, de loi du sang. Halte! Si je souffre que mes proches se révoltent, que puis-je attendre des débats? Sévère pour tous ou sévère pour personne. Je ne fais pas mes éloges à celui qui contre-gouverne. Il n'y a pas de plus grande plaie que l'anarchie. Elle ruine les villes, brouille les familles, gangrène les militaires. Et si l'anarchiste est une femme, c'est le comble. Il vaudrait mieux céder à un homme. On ne dira pas que je me suis laissé mener par les femmes. Si la vieillesse ne me trouble pas complètement le cerveau, il me semble, au roi, que tu t'exprimes avec une sagesse exquise. Tu es sage, mon père. Mais un autre peut être aussi sage. Je suis placé pour entendre ce que chacun pense de toi. Tu terrorises le peuple. Il rumine les mots que tu empêches de sortir. Moi, je les entends. Je rôde, je surprends les conciliabules. Je sais qu'Amthèbe juge le cas de cette jeune fille noble, glorieuse, que tu condamnes. Quoi, on la tue pour avoir enterré son frère? Mais elle mérite qu'on la récompense. Voilà la rumeur publique. Quant à moi, ton règne est ce que je respecte le plus. Ne t'obstine donc pas à croire, père, que seul tu as toujours raison. Celui qui s'imagine avoir seul la sagesse, l'éloquence, la force, s'expose au ridicule. L'intelligence permet de se contredire. Un pilote qui tiendrait rageusement sa voile raide chavirerait vite. Baisse ta voile. Calme-toi. Crois-moi. Je suis très jeune, mais je sais que je plaide une cause très juste. Ô roi, s'il a raison, écoute-le. S'il a tort, qu'il t'écoute. Le procès est de part et d'autre en excellente main. Quoi? Quoi? Nous apprendrions la justice d'un gamin? Encore injuste. L'âge ne compte pas, ne regarde pas mon âge, regarde mes actes. Ce n'est bien agir que de louer les anarchistes. Je ne saurais louer les méchants. Et cette femme n'est pas méchante? Elle n'est pas malade de méchanceté? Ce n'est pas l'opinion des rues. Parfait! La rue va me dire mon chemin. Tu viens de parler en jeune homme, tu le sais. Dois-je diriger cette ville dans un autre sens que le mien? Il n'existe pas de ville faite pour un seul homme. La ville est femme légitime de son chef. Habite une ville déserte si tu veux gouverner seul. Il a l'air de prendre parti pour une fille. Alors te vois la fille, car c'est à toi que je m'intéresse le plus. Canaille! Tu insultes ton père? C'est que je vois que mon père est injuste. Ah, tu trouves injuste que je maintienne mes prérogatives? Tes prérogatives? Tu piétines la volonté des dieux! Cœur mou, tu te laisses entortiller par une femme! Possible, en tout cas la fausse procédure ne m'entortillera jamais. Tu ne plaides que pour elle. Et pour toi, et pour moi, et pour les dieux infernaux. Jamais tu ne l'épouseras vivante. Je l'épouserai donc morte, aux enfers. Tu me menaces de suicide? Je ne menace en rien, j'essaie de combattre ton injustice. Tu te repentiras, monsieur le raisonneur. Si je n'étais ton fils, je dirais que tu pars la campagne. Esclave de femme, prends garde! Ne me tourne pas la tête avec ton kéké! Tu parles tout le temps et tu n'écoutes jamais. Ah, c'est ainsi! Soldats! Amenez la folle! Amenez la folle, vite, vite! Pour qu'elle meure en face de son fiancé! Tu te trompes. Elle ne mourra pas en ma présence. C'est la dernière fois que je te parle. Adieu. Exerce ta rage devant les courtisans qui la supportent. Oh roi, il part, il court, il est hors de lui-même. À son âge, le désespoir est à craindre. Qu'il tente l'impossible, il ne les sauvera pas. Quoi? Tu condamnes Antigone et Ismène? Non. C'est vrai. Pas celle qui n'a point touché la charogne. Ta remarque est juste. Et quel genre de mort réserves-tu à l'autre? Je la murerai vivante dans une caverne du désert. Je lui laisserai de la nourriture juste de quoi expier. Elle aura le loisir de prier Pluton. Elle verra si les dieux infernaux la protègent. Amour qui saisit les uns et les autres. Amour qui fait pauvre le riche et riche le pauvre. Amour qui met en feu les joues de la jeune fille. Amour qui traverse la mer et qui entre dans les étables. Personne ne t'évite, ni parmi les immortels, ni parmi les hommes à la vie courte. Vénus est invincible quand elle lâche le désir. Moi-même, en cet instant, infidèle à mon prince, je pleure parce que je vois Antigone marcher vers son tombeau. Citoyens de ma patrie, regardez-moi. Je commence mon dernier voyage et je regarde une dernière fois la lumière du soleil. Le dieu infernal va me prendre vivante sans que je connaisse le mariage, sans que les chants du mariage répètent mon nom. C'est la mort qui m'épouse. Tu mourras donc sans être malade, sans blessure, libre, vierge, vivante, célèbre, seule entre les mortels, tu entreras chez Pluton. J'ai entendu raconter la mort de la fille de Tantale. Au sommet du Sipyle, elle sentit tout à coup le rocher la prendre et pousser autour d'elle comme un lierre dur. Et maintenant la neige la recouvre et ses larmes glaciales coulent du haut en bas. Voilà mon lit. Voilà les caresses qui m'attendent. Oui, Da, mais nous sommes de pauvres humains et elle était déesse et fille de Dieu. En somme, c'est pour toi, simple mortel, une grande consolation que d'avoir le sort d'une divinité. Moquez-vous de moi, c'est bien le moment, je vous le conseille. Ils n'attendent même pas que je disparaisse. Ah, Thèbes ! Ah, ma ville aux belles voitures ! Voyez comment on me pousse en riant vers un trou sans nom, sans nom ! Car je ne vais ni chez les hommes, ni chez les ombres, ni chez les vivants, ni chez les morts. C'est ta faute. Tu as violenté la justice. Tu payes encore pour Édipe. Je suis une fille de l'inceste. Voilà pourquoi je meurs. Le culte des morts est beau, mais il n'est pas beau de désobéir à nos maîtres. C'est ton orgueil qui t'a perdu. Rien, rien, rien et personne. Je marche au supplice toute seule, sans qu'on me plaigne, sans mari, sans amis. Sans encouragement, je ne verrai plus le jour, je ne verrai plus son œil d'or, je ne verrai plus le soleil. Tu l'as déjà dit. Savez-vous que s'il fallait tant d'histoires et de cantates pour mourir, on n'en finirait jamais. Hop, qu'on l'emporte, vite, qu'on l'enferme, qu'on la laisse là. Adieu, qu'on me vole ma part de vie. Je vais revoir mon père, ma mère et Théocle. Quand vous êtes mort, je vous ai lavé, je vous ai fermé les yeux. J'étais aussi fermé les yeux, Polynice, et j'ai eu raison. Car jamais je n'aurais fait cet effort mortel pour des enfants ou pour un époux. Un époux, un autre peut le remplacer. Un fils, on peut en concevoir un autre. Mais comme nos parents sont morts, je ne pouvais espérer des frères nouveaux. C'est en vertu de ce principe que j'ai agi, qu'on me frappe, que Créon me prive du mariage et de la maternité. Qu'est-ce que j'ai donc fait aux dieux ? Ils m'abandonnent. S'ils approuvent mes bourreaux, je le saurai demain et je regretterai mon acte. Mais s'il les désapprouve, à qui leur inflige mes tortures? Son âme n'a aucune détente. Il en pourra coûter cher à ceux qui la conduisent et qui l'embinent exprès. Ma mort ne sera pas longue. Ne t'imagine pas que le supplice consiste seulement à t'effrayer. Ma Thèbes, c'est fini. On m'entraîne. Chef, chef Thébain, on outrage votre dernière princesse. Voyez ce que je souffre. Et voyez quels hommes punissent mon cœur. Danaé aussi fut enterrée vive et couche dans le bronze. Et pourtant, ma fille, elle était de race illustre et portait la semence d'or de Jupiter. Bacchus a pétrifié le fils de Dryas. Ce jeune homme regrette beaucoup d'avoir bousculé les ménades, éteint leurs torches et rit des muses. Mais voici venir Tirésias. Je chef, tes mains. Nous voici un en deux, car je suis aveugle et je ne marche qu'avec un guide. Quoi de neuf, Tirésias? Tu vas le savoir, mais obéis. Je t'ai toujours cru. Aussi tu gouvernais en ligne droite. Sache que tu dérives. Tu m'effrayes. Cet enfant me mène et je mène les autres. Il a vu nos autels couverts des détritus du cadavre de Polynice. Les chiens et les vautours les apportent. Depuis, les dieux repoussent nos sacrifices et les bêtes gorgées de charognes hurlent partout. Crois-moi, mon fils, qu'un homme se trompe, passe encore, mais qu'il insiste, c'est preuve de sottise. Ne frappe plus un mort, c'est mon amour qui te parle. Parfait. Me voilà une cible de tir à l'arc. Vous vous acharnez tous contre moi. Bon, bon, enrichissez-vous, trafiquez, gagnez l'or des Sardes et de l'Inde. Mais jamais on n'enterrera Polynice. Les aigles iraient-ils porter sa charogne sur le trône de Jupiter, que je refuserai toujours? Un mortel ne souille pas les dieux. On te paye, Tirésias. C'est le signe de ta chute. Un homme qui sache, qui comprenne. La clique des devins est avide d'argent. Et celle des rois, avide d'impôts. Sais-tu que je suis ton roi? Je le sais d'autant plus que tu me dois ton trône et le salut de Thèbes. Tu aimes les paradoxes? Tu m'obliges à dire ce que je voulais dissimuler. Parle, mais ne sers pas qui te paye. Ah, j'ai donc l'air bien riche. Et sache que je ne changerai pas d'avis. Sache, à ton tour, que la mort de ton fils payera le crime d'enterrer une femme vivante et de disputer un cadavre à Pluton. Ton palais va se remplir de plaintes. La colère soulève contre toi les villes où les bêtes transportent des chairs sanguinolentes. Guide-moi, petit, que cet homme apprenne désormais à mater sa langue et à respecter notre âge. Créon, ces oracles ne se trompent jamais. Hélas, ma tête se trouble. Voyons, voyons, il est atroce de céder. D'autre part, il est atroce d'attirer la malchance en s'obstinant. Comme conseilles-tu? Sauve la jeune fille. Ça? Et tu veux que je cède? Mais dépêche-toi donc! La vengeance des dieux galope! S'il le faut. Oh, c'est dur, très dur. Va, va, va! N'en charge personne! J'y cours! Qu'on me suive avec des haches, des pioches, des leviers. Je crains qu'il soit impossible de s'en tenir toujours aux vieilles lois. Toi, couronné de mille noms, Bacchus, habitant de Thèbes, la métropole des Bacchantes, tu fais danser les étoiles et chanter la nuit. Foule avec tes grands pieds ta montagne comme du raisin. Cours, accours, aide-nous. Saute ici avec tes ivres morts. Maintenant, sa chance s'effondre. La richesse et le trône, que valent-ils sans joie? Parle! Aimon s'est suicidé. Voici la reine Eurydice. Elle aura entendu quelque chose. C'est-à-dire que j'ai un peu entendu. J'entrouvrai la porte du temple de Minerve. J'ai failli tomber à la renverse. Qu'y a-t-il? Je dois écouter, je peux vous écouter. Allez, je suis forte, j'ai une certaine expérience du malheur. Oh, ma chère maîtresse, écoute le récit d'un témoin. Après avoir brûlé avec le roi ce qui reste de Polynice et prié la déesse des carrefours, nous courions à la caverne d'Antigone. Lorsque Créon croit entendre crier son fils dedans, on ouvre un coup de pioche et nous voyons une triste chose. Antigone pendu à une corde faite avec ses voiles. Aimon serrait la pauvre fille dans ses bras. En apercevant Créon, il perd la tête, dégaine et lui crache dessus. Créon voit son œil de rage et de dégoût. Il comprend la menace, il se sauve. Alors, Aemon s'enfonce, le fer dans le corps, et son cœur asperge Antigone. Il s'épouse là, dans la mort et le sang répandu. Eurydice reçoit ce paquet rouge et disparaît chancelante. Pas un mot de la reine. Que faut-il penser? Elle ne veut pas se donner en spectacle. Le silence fait plus peur que les cris. Oui, je vais me rendre compte. Le roi, il porte son fils. Mon fils. Mon fils. Et mon... mon fils. Je suis un assassin. Je t'ai tué. Il est bien tard. Un dieu me tenait à la gorge. Un dieu me poussait dans le dos. Toute la maison du bonheur s'écroule sur moi. Oui, prince! Un drame après l'autre! Encore un drame? Quoi? Que peut-il arriver de plus? Ta femme est morte. Ma femme est morte? Ce n'est pas vrai! Oh, Pluton! Tu manges tout. Ma femme après mon fils. Tu mens! Où est-elle? Regarde, la porte est ouverte. Eurydice! Elle s'est suicidée au pied de l'autel en te traitant d'assassin. J'ai peur! Tuez-moi! Tuez-moi vite! Je tombe dans un trou sans fond! Elle t'accusait du meurtre d'Aemon et d'Antigone. Alors quoi? Vous dites, elle s'est tuée? Ma femme s'est tuée? Je te le répète. Au secours! Qu'on m'emmène! Qu'on m'éloigne! Je suis moins que rien! Moins que rien! Je ne sais plus où mettre mes regards, mes mains, mes pieds. Tout s'en va. Tout me glisse dessous. La foudre me tombe sur la tête. Il faut craindre d'injurier les dieux. Trop tard, Créon. Trop tard. Dans le cycle consacré au théâtre de Jean Cocteau, la radiodiffusion française vous a présenté Antigone, d'après Sophocle, musique d'Arthur Honegger, avec Éléonore Hirt, Antigone, Nathalie Nerval, Ismène, Ginette Franck, Eurydice, François Vibert de la Comédie française, Créon, Jean Negroni, Aemon, Jean Did, Tirésias, Guy Pierrot, le garde, Edmond Beauchamp, le messager, avec Michel Bouquet, le chœur. Prise de son, Jean Jusforgue. Direction artistique, Henri Soubéran.